Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble jusqu'à 23h ce soir, donc voilà, sur les ondes radio, sinon sur le player internet, sur le site internet Radio Béton. Et à partir de demain, lundi, en fin de journée, l'intégrale de l'émission sera également disponible via notre petit blog. Hein, vous tapez Hellbanger Blogspot, ça fait partie des deux, trois premiers liens, je crois. Vous avez l'historique du blog et sinon l'émission la plus récente. À noter que ce soir encore, pas mal de morceaux sont en version editing pour le passage sur Radio Béton, des morceaux assez longs ce soir dans la playlist, et la version sur le blog, les titres sont bien sûr diffusés en intégralité. Un début d'émission, vous l'aurez remarqué, un peu bousculé une fois de plus, puisque ce n'est pas notre générique historique, mais le morceau Torment Remains, extrait de l'album Bowels of Earth, sorti en 2019, signé Entombed AD, toujours dans notre petit cycle en hommage à Lars Gorein Petrov, bien sûr vocaliste de Entombed, Entombed AD, Firespawn, etc., qui nous a quitté il y a une paire de semaines. Voilà, ça fait partie de ces disparitions dans la scène extrême qui nous affectent particulièrement. Et pourquoi un titre de cet album? Déjà parce qu'il est plutôt coolos, et c'est surtout parce que c'est probablement la dernière fois que Lars Goran Petrov a posé sa voix sur un enregistrement studio, puisque le dernier album de Firespawn est sorti en juin 2019, et que le dernier de Entombed AD est sorti quant à lui en août 2019, donc ça s'est joué à pas grand chose près. Voilà pour ouvrir cette émission, et sinon pour entamer la playlist classique. Sachez qu'il y aura assez peu de nouveautés hein, ce soir, on en a passé pas mal les semaines passées. Donc doublette d'ouverture, The Crown, pure Swedish Death, Royal Destroyer, c'est le nom de leur nouvel effort studio, déjà dispo chez Metal Blade. Et dans la foulée, Don Cross, alors ça c'est une nouveauté de la semaine dernière, Don Cross, voilà, qu'on vient tout fraîchement de rentrer dans l'émission. On est sur du Black, qui nous vient du Bélarus, To the Last Sunset at the Gates of Collapse, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Don Cross, l'album est déjà disponible. Full Metal Justice, le titre pour The Crown. With Omnipotence of Ancient Dragon, le titre signé Don Cross. C'est parti et bienvenue dans l'émission. Heart of the night. On continue donc avec la doublette suivante, Liquid Tension Experiment, cette super formation américaine avec des ex et actuels membres de Dream Theater, nous fait donc du metal prog, un peu rock prog, instrumental. Ils sortent là leur troisième effort studio. Déjà une belle carrière, hein, même si une petite discographie pour la formation américaine. A noter que ce nouvel album sort sur le label Inside Out Music le 26 mars, donc encore une belle avant-première pour nous. Et dans la foulée, les Danois de Beist, le groupe de death metal qui nous sort son nouvel effort studio Necrosapiens, une sortie déjà dispo chez Century Media. The Passage of Time, le titre signé Liquid Tension Experiment, et derrière Purification Through Mutilation, signé les Danois de Beist. C'est parti. We'll be right back.

Une sortie donc chez les Acteurs de l'Ombre. Pour illustrer ça, on va s'écouter le titre Opulent Black Smog. Et dans la foulée, toujours plus de brutalité avec le morceau Abominable Putridity. Ça nous vient de Russie, Abominable Putridity, qui d'ailleurs voit rejoindre ses rangs derrière le micro Monsieur Angelo Choa, qui a à peu près le même style de carrière ultra cool que l'ancien vocaliste d'Abominable Putridity, Matty Way. Parasitic Metamorphosis Manifestation, c'est le nom de leur nouvel effort studio. On va donc les écouter en doublette avec Vess & Phil, avec le titre Supreme Void. C'est parti. Thank you. Après cette riche et brutale doublette, on passe à un groupe en solo au niveau de la diffusion, hein, pas une doublette, comprenez bien, puisque le groupe c'est un duo. Empyrium, ça nous vient d'Allemagne, on s'est déjà présenté les semaines passées. Un titre qui fait 7 bonnes minutes, encore une fois. Voilà, comme annoncé en début d'émission, hein, des morceaux assez longs et très riches, clairsemés tout au long de l'émission d'aujourd'hui. Huber den Sternen, c'est le nom du nouvel effort studio de la formation allemande. The Wild Swans, le titre que l'on s'écoute tout de suite pour Empyrium, c'est parti. Conceal the pour la suite, et le chrono tourne très très vite, on entre déjà dans la spé française. La doublette d'entrée dans cette spé française est composée tout d'abord de Forrest, projet parallèle d'une des deux têtes pensantes de Bloodhouse Nord. Donc on est sur du pure black metal d'inspiration seconde vague norvégienne, pardon, des années 90. C'est une sortie de DBMur Morty Productions, c'est un album éponyme. Et dans la foulée, on va s'écouter la première nouveauté de l'émission d'aujourd'hui, Exanimis, voilà, nouveauté dans l'aspect française. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette nouvelle entrée dans la prog? Donc, trio de death progressif à tendance orchestrale qui nous vient de Nancy, formation toute récente, hein, premier album studio et première sortie studio également, parce qu'il y a eu deux singles sortis sinon l'année dernière, mais c'est des titres extraits de ce tout premier album. Premier album avec un titre en français intitulé Marionnettiste. On est sur un album extrêmement riche, 6 vrais morceaux, parce qu'il y a quelques interludes, un morceau de 12, un autre de 16 minutes, un album extrêmement riche et fourni, chargé en partie orchestrale. Forcément, on a une petite pensée pour des formations telles que Septic Flesh ou encore Flesh God Apocalypse. Cependant, on est sur quelque chose de beaucoup plus prog en termes de death. Voilà, à noter également qu'il n'y a pas de batteur attitré au groupe, c'est donc un session qui est venu enregistrer les parties en la personne de Clément Denis, qui est également le frappeur de Fractal Universe et celui qui a fait les sessions batterie pour The Scalar Process, qu'on vous a diffusé jusqu'à la semaine dernière. Exanimis, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Une pochette au visuel très varié. Alors, au niveau des titres de morceaux, donc il y a des morceaux en français, d'autres en anglais, et je trouve qu'il y a assez, même dans la description musicale, etc., je trouve qu'il y a assez un parallèle qui peut se faire avec Misanthrope, voilà, formation française que j'adore tout particulièrement. Voilà, donc je vais vraiment prendre le temps de me pencher sur la formation française Exanimis, que l'on rentre tout fraîchement dans l'émission. Donc, Aïe, le titre de Forrest, alors pas Aïe, j'ai mal, mais genre le jeu, et Exanimis, The Wrathful Beast, extrait de leur tout premier effort studio, et c'est parti.